Je voyais plus haut maintenant que les nuages. Là, c'était du spécial. Là, en plein ciel, en plein azur, la vision féerique. Une main coupée, je voyais une main bien pâle sur des flocons, des coussins de nuages à reflets d'or et qui saignaient au goutte à goutte. Une main pâle blanche tout autour, des nuées d'oiseaux tout rouge voltant jaillit de ses pleins mêmes, les doigts tout scintillants d'étoiles semées au marge de l'espace en envoile tendre, clair et de grâce. Sans les mondes et vos effleurs et vos beaux yeux, câlinement, tout vous emporte, tout vos goûts.